mystère. La télévision est l'ennemi du rêve. La télévision n'aime pas le secret. Le mystère. La télévision n'aime pas le secret, c'est-à-dire l'inconscient. S'écrouler faute d'une bonne image. Image. Les images existantes ne prouvent que les mensonges existants. Image. Kinder Pingou. Pour cette communication locale et du service. Les Iron Man sont arrivés. Pour tout le monde et pour tous les goûts. Ce sera toujours un moment facile. C'est impressionnant. Le plus grand cadeau du monde. Vous pouvez gagner un an d'abonnement. Étonnant, la télévision est l'ennemi du rêve. Le mystère, la télévision est l'ennemi du rêve. La télévision n'aime pas le secret. Le mystère, la télévision n'aime pas le secret, c'est-à-dire l'inconscient. Kinder Pingouin, forfait de communication locale et du service. Les Iron Man sont arrivés. Pour tout le monde et pour tous les goûts. Ce sera toujours un moment plus. C'est impressionnant. Le plus grand cadeau du monde. Vous pouvez gagner un an d'abonnement. Tout le monde et... Étonnant. Oh, ta gueule. Image. Je voulais faire une petite dédicace aussi, oui. Bien pure, quoi. On termine maintenant. Alors, j'ai fait une petite dédicace à ma N-A-I travers E, Big Love, et tout. Pure dédicace, et lâchez pas l'affaire. Ça bouge grave, et pour l'évolution de chacun et tout. Pure dédicace à tout positif, wesh. Bah, c'est tout. Merci, Mystique. J'ai complètement défoncé. Oh là, j'ai me percuté, ma meuf va me tuer. Bah, j'ai bouffé du cerveau, mais grave, j'ai jamais vu ça. Faut arrêter, quoi, c'est... Faut arrêter, quoi. Faut arrêter, hein. Faut arrêter. Mais arrêtez de m'imposer, si j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Ok, vas-y. Hein, vous avez des couilles, les gars. Faut être en train de crâner qui te regarde comme si t'étais une merde. On t'a même pas laissé le choix de choisir. Non, on t'a imposé ça. Faut arrêter, quoi, c'est... Faut arrêter, quoi. Faut arrêter, hein. Faut arrêter.

Ratu ingin jeratan lepas semuanya dari Ya kada, ya kada Semuanya dari Onaka memanasat Semuanya dari Gunar muncak darat Ingin jeratan Tenis bahagari Ingin nyawa tatu Nekada yakada Semuanya dari Nekada yakada Semuanya dari Onaka memanasat Semuanya dari Onaka memanasat Semuanya dari Nenis bahagari Gunar muncak darat Nenang nyawa tatu Nenang jeratan Nenis bahagari Gunar muncak darat Nenang nyawa tatu Nenang jeratan Hagare, unor mun sadare, nanya wa tatu, nanya jantan, nesa hagare, unor mun sadare. Chadara, chadara, chadara, chadara, chadara.